concours sont disponibles sur passageinsolite.com. Bonsoir, auditeurs et amis, amateurs de bonne musique. Vous êtes à Terra Incognita ce soir à CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Bruno à la mise en onde, France Carrier à l'animation et moi-même, Jean-François Bonnat. Bonsoir, il y a des auditrices aussi. Des auditrices? Oui, il y a des auditrices qui écoutent l'émission. Il n'y a pas juste des auditeurs. Ah ben ça, c'est super. Mais je n'ai pas voulu discriminer personne. Là, je parlais au sens large. Mais c'est quand même bien de préciser. Donc, bienvenue, auditeurs et auditrices. Et ben, on a toutes sortes de choses à faire. As-tu des petits potins aujourd'hui? Non. Non, ben, juste les spectacles à ajouter. Bon. Les petits potins, j'en ai pas. Pas de petits potins? Non. Il n'y avait pas d'un coup vedette. Ben, j'espère, on n'est pas dans le domaine, mais quand même, on a t'as ramené le dernier numéro, ben, en fait, il date d'avril, mais ça prend du temps à se rendre ici, ça. Mm-hmm. Mais c'est le dernier qu'il y a dans les kiosques, là, le magazine Prog, on pourra jaser un petit peu de ça, parce qu'il y a des votes là, qui se font pour meilleur ci, meilleur ça, et dans les événements de l'année, il y a le spectacle de Camel au Royal Albert Hall. Ah, j'ai mon vote est fait. Ton vote est fait? Oui. C'est drôle, j'ai ma petite idée sur quoi t'as voté. Et bien, un autre spectacle qui a beaucoup de mérite, c'est on y était d'ailleurs il y a 3 semaines. Alex Henry Foster. Ah oui. Ben oui, dans leur église, l'église de Your Favorite Enemies, parce que Alex Henry Foster, il a triomphé au festival de jazz avec une salle comble. Là. Puis, il a remis ça le lendemain, un show spécial là, dans leur église studio, là, où ils fabriquent tout. Mais on pourra en rejaser dans la deuxième demi-heure. Pour l'instant, on va écouter, parce qu'on va en entendre une pièce aussi. On va écouter du Jordan Rudess. Lui, tu sais c'est qui? Oui. Oh. Une petite menterie, là. C'est le claviériste de Dream Theater, mais... Oui, je le sais. Il avait une belle barbe blanche, là. Ben oui, il y a une petite barbe maintenant. C'est rendu son 15e album depuis 1993. Donc, il est très prolifique, là, si on compte aussi tous les albums qu'il a fait avec Dream Theater. Auparavant, il était avec Dixie Drag aussi. Il a fait Liquid Tension Experiment. Donc, un gars très habile qui fait un petit peu dans la démonstration parfois, mais disons que ce disque-là, il sort plutôt bien. Il s'appelle War for Madness. On va en entendre un extrait qui s'appelle... Ben, c'est la pièce-titre, là, mais c'est en 2 parties et ça fait pas loin de 35 minutes en tout. On va entendre seulement que la première partie. Et il y aura aussi du tea. Ça, c'est Thomas Thielen. Il y a Marc qui nous en avait présenté un extrait il y a un petit bout de temps, là, peut-être un mois et demi. Là. Puis, ben, c'est un monsieur qui vient d'Allemagne. Lui, c'est son 7e album, mais on l'avait connu avec Sight, je me souviens de ça, Diverse Land. Puis ça remonte à 2001. Donc, c'est pas d'hier. Fait que pour l'instant, ben, on y va avec beaucoup de power. Puis ça va être la pièce War for Madness de Jordan Rudess. Thank you. Thank you. voice that binds the stars into your heart. Around your eyelids flutters phantom pain, clad scar. A face you can't quite spot in every crowd. The echo of your footsteps in the raindrops they drown. The tears you froze inside, the courage that they spawn. The annotations of the truth spread from your wall. Better be alone forever. just like my heartbeat, like a footnote of divinity. And you're the silent tide, just like my wildest dreams, like disgust and outer space, like laughter's cold remains. You're the silent night. You're the silent night. Yes, you're the silent night. You're the silent night. The silent night. Si j'avais les ailes d'un ange, chantait Charlebois. Certains les ont eues. Au tournant des années 2020, il n'était pas inutile de savoir, de se rappeler, de découvrir que la boucane a déjà existé, ainsi que quelques barbus. Come on, baby, take a chance with us. Dans le numéro d'été de Nuit Blanche, Québec psychédélique. Regard actuel, espiègle, critique, parfois acide sur ces années de révolte et d'utopie. Celle des communes, de la revue Mainmise, des Jean Basile, Georges Cale, Denis Vanier. Abonnement, point de vente, numéro courant et archives dans nuitblanche.com. This is the end. Oh, quelle belle pièce, hein? C'est, ça fait une belle pub, ça. Ben oui, les Doors. C'est tellement bon, les Doors. Et bien, ce qui précédait, c'était pas mauvais non plus. L'Allemand Ti, Thomas Thielen. Avec son album qui s'appelle Solis Psythémologie. Un drôle de nom, mais il y a toujours des noms un petit peu bizarres comme ça, lui. Donc, il est rendu, je pense, à 7 albums, lui. La pièce qu'on a entendue, c'est Laughter Cult Remain. Et on avait débuté un peu en folie avec Jordan Rudess et son War for Madness Part 1. Et ben, on va aller à des concerts probablement dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines? Ben, la semaine prochaine, le 31 juillet, c'est de Aristocrate au Dauteuil. On va en écouter d'ailleurs tantôt. Le 10 août, ça devait être Arena, mais ça a été annulé. Le 3 septembre, au Bûcher, chez Tears Hold. Ensuite, le 13 septembre, c'est Virgile Donatiban, qui est au Dauteuil. Oui, c'est un bon batteur. Un batteur. Ensuite, le 15 septembre, au Grand Théâtre, c'est Steve Hackett. Le 27 septembre, au Palais Montcalm, c'est Eric Wakeman. Le 5 octobre, à la salle Sylvain Lelièvre, c'est Deep Project et Redson. Le 26 octobre, au Cégep Garneau, c'est Bran X. Le 1er novembre, au Grand Théâtre, c'est Kansas. Le 10 novembre, Mystery, à la scène Le Bourgneuf. Le 23 novembre, Huiss, au même endroit. Et le 26 novembre, The Pineapple Thief, avec Gavin Harrison, au Palais Montcalm. Ben oui, ça va être intéressant, ça. Et bien, il y en a un aussi qui s'en vient, que tu n'as pas nommé. Iron Maiden. Oh, oui. Le Legacy Tour. Oui, le 7 août. 7 août, ça aussi, c'est proche. On est là. Ben oui, ça va brasser. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Iron Maiden. Et bien, bon, on parlait de Alex Foster. Ben, je pense que c'est Alex Henry Foster, je pense, est digne de mention parce que son album, parce qu'on reçoit de la publicité, hein, puis il serait numéro un du palmarès de la disque pour les ventes d'albums anglophones. C'est quand on connaît le style, là, c'est un style un petit peu planant, là, mais d'ailleurs, on va en entendre un morceau tantôt là, dans ce bloc-ci. Là. Et il va être en concert, lui, au parc. Mon Dieu, que j'écris mal. C'est à l'Épiphanie. Ben oui, c'est à l'Épiphanie. Pour la santé mentale. Oui, exactement. C'est le parc Béram. Mm. Puis, on a reçu aussi, et puis ça valait la peine de regarder ça. Là. Je pense que ça vaut la peine tout le monde qui aille sur YouTube, là, parce qu'il y a un documentaire sur le retour du vinyle. Je pense que ça vaut la peine de chercher ça. Oui. Parce que moi, j'ai appris quelque chose. Pour moi, le vinyle, là, c'était une galette de vinyle chaud, là, puis là, il y avait une presse, là. Mais là, c'est pas ça qu'ils nous montrent, parce que les autres font ça de façon artisanale, puis chaque vinyle est pressé. Et en fait, il est pas pressé. Mmh. C'est qu'ils ont un master de vinyle. Là, ouais, mais sur le site d'Alex Henry Foster, t'as le lien. Oui, exactement. Donc, c'est un document YouTube. Mmh. Puis, fait que chaque vinyle est gravé un par un. Donc, eux autres, ils disent chaque vinyle est unique à ce moment-là. Là, parce qu'ils peuvent faire des ajustements. Puis, ils disaient que le son du vinyle, lui, il est différent parce qu'ils vont pas mettre les mêmes fréquences que sur un CD. Donc, c'est ajusté. Puis, entre les tracks, c'est tout simplement de le faire aller plus vite. Fait que il peut avoir une distance plus ou moins grande entre chacun des morceaux. Là. Mais en tout cas, ça vaut à peine parce que moi, j'avais aucune idée qu'ils se vendaient des vinyles vierges là, qu'on pouvait graver. Bien évidemment, ça prend de l'équipement spécialisé. Là. On peut pas faire ça chez nous. Là. Mais quand même, c'est intéressant parce qu'ils font tout là, dans leur église. Là. Ils font des T-shirts, là, c'est sur demande. Là. Les T-shirts aussi sont uniques. Là, ouais. Ils mettent dessus ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on voyait du monde qui avait toutes sortes d'images là, puis pour Your Favorite Enemies. Ou, Oui, il y avait la princesse le monde où, c'est la princesse Léa. Léa, oui. Ben oui. c'était une belle visite à Drummondville. Là. Disons que c'est une occasion privilégiée parce que c'est pas tout le monde qui rentre dans l'église là, comme ça. Donc c'était, comme ils disaient eux autres, un concert en formule réduite parce qu'il y était juste sept ou huit des fois, parce que le band, normalement, ils sont 11. Ils sont 11. Au festival de jazz, il était 11. Mais pour l'instant, on va écouter du Fervent Mind. C'est un groupe scandinave. Hein. Il y en a tellement des groupes scandinaves. Leur album s'appelle Tranquilize et c'est sur Charisma Records. Ils sont norvégiens. Là. Le groupe a été fondé en 2014 là, par la chanteuse et compositrice. Un drôle de nom. Elle s'appelle Live Solid. C'est pas scandinave. Je sais pas si c'est son vrai nom. Là. Je trouve ça fait drôle un peu comme nom. Là. Puis les influences revendiquées, elle parle de Porcupine Tree, Radiohead, Massive Attack, Motor Psycho. Eh bien, c'est plutôt bon. Là. D'ailleurs, la pièce Fervent qu'on va entendre, ça va nous en donner une bonne idée. Puis, un autre groupe québécois, Voivode. On n'a jamais mis du Voivode ici. Parce qu'eux autres aussi, ils ont été... ils ont gagné un prix pour le meilleur album métal. Oui, au Juno. Ah, c'était au Juno, ça. Oui, c'est vrai, c'était au Juno. Oui, puis on se demandait pourquoi la disque n'a pas une catégorie métal. Bon, après, on va entendre Alex Henry Foster avec la pièce Lavender Sky et on terminera ça avec Far Corner. When I was young.

CKRL. La Nine Quasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb's Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Nine Quasi dès 21h. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Nine Quasi ou via le point de vente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. Pour sa 24e édition, le Festival des Journées d'Afrique de Québec dans ses rythmes du monde fait vibrer la ville de Québec. Les artistes de toute origine se donnent rendez-vous du 25 au 28 juillet pour célébrer le chant, le rythme et vous donner la cadence. Le Festival des Journées d'Afrique de Québec vous est présenté grâce au soutien de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec, Patrimoine Canada et CKRL 89.1. Consultez la programmation sur festivaljournéesd'afrique.com. Ben oui, c'était. Ben on a eu une petite inversion. Là. Finalement, on a terminé avec Alex Henry Foster avec une pièce qui s'appelle Lavender Sky, qu'on a dû malheureusement écourter un petit peu d'une minute. Là. Et ça vient de son album Windows in the Sky, là, qui se distingue très bien à toutes sortes de niveaux. Et juste avant, c'était le groupe américain Far Corner qui a sorti un disque qui s'appelle Risk. C'est même dans les indispensables du magazine Progressiste numéro 96. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Aléa Loudéré. Et juste avant, histoire de se péper un peu, là, on écoutait du Voivode. Oui, oui. Parce que Voivode, c'est pas juste du métal, là, c'est pas vraiment du death metal non plus. Et il joue un peu dans le progressif. Là, puis je pense que la pièce qu'on a entendue, qui s'appelle The End of Dormancy, ça vient de leur album, le dernier en date, là, The Wake. Je pense qu'il joue un petit peu en ces eaux-là. Il y avait eu dans les années 90 aussi où il avait fait ça. Il a même repris une pièce de Pink Floyd qui est Astronomie Dominée, qui avait fait une très, très belle version d'ailleurs. Et il y a un très bon guitariste aussi qu'on a eu l'occasion de voir avec la revue musicale Jurassic Rock. Jurassic Rock. On avait jasé un bon 20-25 minutes avec Daniel Mongrain, qui aime beaucoup faire du métal. Il dit qu'il ne pourrait pas faire autrement que de jouer du métal. Il a besoin de ça physiquement. Mais il fait beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, il est professeur. Oui, professeur. Mm-hmm. Et il fait beaucoup d'autres styles de musique aussi. Et on joue au Festival d'été. À l'Impérial. Voy Voy? Oui. Oui, c'est vrai, il nous avait dit ça, oui. Et bien, ça devait être très bon. Évidemment, on n'a pas vu de compte-rendu dans le journal. Là, mais... Non. Mais je suis certain que ça devait être excellent. On avait débuté avec le groupe norvégien Fervent Mind, avec leur album Tranquilize. On a entendu la pièce Fervent. Et bien, si vous avez aimé cette pièce-là, bien, c'est pas mal dans ce mood-là. On va vous rappeler que vous pouvez aller voir la page Facebook de Terra Incognita. Il y a souvent toutes sortes de nouvelles, toutes sortes d'informations. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse terraincognita_ckrl@hotmail.com si vous avez des commentaires à nous faire. Et je vous rappelle aussi que les podcasts sont disponibles sur le site de CKRL. Vous avez juste à taper CKRL et vous allez dans Programmation et samedi 22h. D'ailleurs, toutes les émissions sont disponibles là-dessus. Et si vous avez manqué quelque chose, ben vous pouvez y revenir. Mais là, on va écouter du Huys. Du Huys, ou oui. Ou du Huys. Non. Huys. Parce que j'aime mieux Huys. Ben, c'est parce que c'est un nom néerlandais. Hein. Mm-hmm. Et on devrait le prononcer Huys. Mais on a demandé à Michel Saint-Père puis nous a dit Huys. Donc, on s'en tient à Huys chez nous, au Québec, on va dire Huys. Abandonne leur dernier album, qui est très bon. On va en entendre un extrait. Et il y a aussi des Aristocrates, parce que ben ils vont être en spectacle. Mois novembre, tu peux nous rappeler la date? Aristocrates? Non. Huys, le 23 novembre. 23 novembre, je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui vont être là, ça va être intéressant. Oui, salle Le Bourgneuf, une belle salle. C'est quasiment gratuit parce que les billets sont vraiment pas chers. Non, mais tant mieux, parce que ça va être un bon spectacle. On les a déjà vus, fait que c'est sûr qu'on ne sera pas déçus. Les Aristocrates, eux autres, ça s'en vient. Il y a un album qui s'appelle You Know What, que Marc vous a présenté dernièrement, parce que on va entendre The Ballad of Bonnie and Clyde, disons que le titre m'inspirait. Mm. Et on va entendre aussi un groupe italien qui s'appelle Witchwood, là, qui fait dans le moi je dirais quasiment, ben j'ose pas dire rétro là, mais c'est de l'époque là, ça sonne comme du vieux Deep Purple ou plus Uriah Heep. D'ailleurs ils reprennent une vieille pièce de Uriah Heep. J'en aurais pu mettre celle-là, mais donc moi j'ai plutôt accroché sur Like a Giant in a Cage. Donc on débute avec Huys. Thank you. Child, Bob Fridges will Oh, Shiva. I'll leave it. CKRL. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Les sessions de La Fabrique présentent Cristobal Valence. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. À défaut d'être 100% original, on peut dire que c'est très efficace. Hein? Witchwood, groupe italien, l'album s'appelle Handful of Stars. On a entendu Like a Giant in a Cage. C'est très efficace. De l'orgamen, ça fait toujours son effet. Oh, oui. Et ça sonne Uriah Heep, là, comme quasiment comme l'original. Disons, la première période, aujourd'hui, c'est un peu plus élevé. En fait, j'en avais un nouveau Uriah Heep, puis j'ai complètement oublié de le mettre là, dans ma liste. Là. J'avais sorti un titre, là, mais ma liste a toute complétée, puis j'ai dit, ah, bon, je l'ai oublié. Tant pis, je ne fais pas ça. Et juste avant, ben, en fait, c'est un bloc qui grouillait pas mal aussi. The Aristocrate, You Know What, avec un point d'interrogation. On a entendu The Great Fuck Movie Jam. Hein, c'est quasiment significatif là, comme titre. Et bien, c'est un groupe qui comprend des musiciens réputés. Il y a Guthrie Govan à la guitare, un gars qui sait quoi faire avec ça, les cordes de guitare. Il y a Bueller. Bon, je l'écris mal, c'est épouvantable. Ben oui. Je suis même pas capable de me relire. C'est ça. Et Marco Minman. Mais on laisse pas ça là, on va regarder sur la pochette. Je consulte mes notes. Ben oui, c'est ça, Ridon de moi. Brian Bueller. Brian Bueller. Bon, on était pas pour laisser ça comme ça. Là. Et on avait débuté avec Huiss qui sera en concert au mois de novembre avec l'album qu'on a entendu, c'est Abandon, leur dernier album. Et d'ailleurs, on le voit un peu partout. Hein. Il est chroniqué un peu partout en Europe. Ah, et, oui. C'est un autre groupe qui fait son chemin. Il y a une bonne... Dans la revue Prog, c'est ça, on voit la grosse annonce avec Mystery dans le bas, puis Huiss au-dessus. Il y a Jellyfish, j'ai jasé beaucoup avec Sid cette semaine. L'album qui est sorti au mois d'avril, qui s'appelle « Comme au dernier jour ». Ben, en fin de compte, Sid me disait ben c'est pas du nouveau matériel, c'est pas Jellyfish reprend pas du service malheureusement. C'était des pièces qui étaient déjà enregistrées, l'album était prêt depuis longtemps, mais il sortait pas, il restait sur la tablette parce qu'il n'y avait pas le temps de le promouvoir, puis ils le feront pas non plus. Bon, ça fait que si on avait des idées là-dessus, on oublie ça. Et c'est la mort du batteur qui a déclenché, disons, l'idée de ressortir le disque. Ben, en fait, de le sortir, il ne l'avait jamais été. C'est comme un hommage qui... Oui, c'était pour y rendre hommage. Il faut dire qu'il y avait le claviériste, là, Éric Plante, lui, qui il a un beau contrat avec le Cirque du Soleil. Hein, c'est dû à refuser, donc il était absent longtemps. Là, il est revenu comme en vacances, mais il va reprendre son poste au Cirque du Soleil. Il y aura aussi un autre groupe ben, qui vient du Danemark, un autre Scandinave là, qui s'appelle le Varket. Ça, ben, j'ai vu ça avec Progressist. C'est un sextet qui est formé en 2014. Leur nom veut dire « travail ». Donc, il y avait de l'ambition. Hein? Il a dit, on va... Donc, selon Progressist, ben, il revisite le prog des années 70, mais dans une forme personnelle. Et là-dedans, il y a beaucoup de trompettes. Donc, on va suivre avec ça. Et il y aura aussi Surface of the Sun. On va en entendre un extrait qui s'appelle The Silence. Mais on débute avec Jellyfish. Jour, ses rêves ont disparu. les enfers de la cité. Devant de multiples inconnus, trop souvent son cœur s'est dénudé. Dans le gris des avenues, rayons de soleil à percer. Et fleurit pour aimer. With youth is all about. We're all in such haste, waiting for lives to fall into place. We're often depressed and stuck in the future. I need to be the best. I deserve. We'll be right back. The Silence par le groupe Surface of the Sun. C'est, ça vient d'un mini-album qui s'appelle Le Panacea. Et juste avant, c'était le groupe du Danemark Verket, leur album Young Again. On a entendu Green Night. Et on avait débuté avec Jellyfish comme au dernier jour dans le gris des avenues. Eh bien, c'est déjà tout pour nous. Bon, bonsoir France, et restez à l'écoute, et bonsoir Bruno. Restez à l'écoute pour l'émission. L'autoroute avec Vincent. Eh oui, Vincent qui est hot et qui est prêt. Et on finit avec la nouveauté de I Am The Morning, qui vient de l'album de Bell. On va entendre Song of Psyche. You make a choice of your own, and you speak truth, so don't you ask me where I've gone. I know you are the one to guide us. You see the stars, so make a step, make a step. It's love. CKRL. Communication. Culture. Avec Sentier Secret, j'aime installer une bulle paisible pour explorer cet espace de révélation que m'offre chaque auteur, compositeur, interprète ou musicien. C'est Suzy Turcotte qui vous donne rendez-vous chaque mardi à 13h30. Cet été, sortez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville. Dès le 2 juillet, voyez Spider-Man Loin des siens, Menteur le 10 juillet, Le Roi Lion le 19 juillet et Il était une fois à Hollywood dès le 26 juillet. Économisez grâce à la carte Abonne Clap, disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville et en ligne. Bon cinéma! La terrasse de la Korrigane a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Korrigane est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux. Tout ça au soleil et entouré de verdure. La Korrigane, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Les cinémas en plein air dans Saint-Roch sont de retour.